je suis tombé, tu m'as relevé. Pas de plan A, pas de plan B. Ils n'arrivent pas à nous arrêter. Autour de nous, tout est carré. Ils nous regardent, analysent. Veulent nous détruire, mais font la bise. Ils sont rayés de la liste. C'est mon binôme, c'est ma mif. C'est tout des jalouses, elles veulent me pousser à bout. On n'a pas le même parcours. Bientôt le monde sera à nous. T'es là pour moi, je suis là pour toi. Et ça s'arrêtera pas. Quand je doute, je peux me confier, me reposer sur toi. On se regarde, on parle pas. On se regarde, on parle pas, tu sais. On se regarde, on parle pas. On se regarde, on parle pas, tu sais. Même dans le malheur, on fait la paix. Je voudrais revenir en arrière. Oublier ce qu'on s'est dit hier. Sans toi, le monde tourne à l'envers. C'est toi et moi contre le mondo. Ils arrêtent pas de parler dans mon dos. La vie d'artiste c'est pas toujours beau. Mais grâce à toi je serai jamais solo. C'est toutes des jalouses, elles veulent me pousser à bout. On n'a pas le même parcours. Bientôt le monde sera à nous. T'es là pour moi, je suis là pour toi. Et ça s'arrêtera pas. Quand je doute, je peux me confier. Me reposer sur toi. On se regarde, on parle pas. On se regarde, on parle pas, tu sais. On se regarde, on parle pas. On se regarde, on parle pas, tu sais. On se regarde, on parle pas, tu sais. On se regarde, on parle pas. Ce putain va pas loin de moi. N'oublie pas ce qu'on s'était dit cette fois. Ce putain va pas loin de moi. N'oublie pas ce qu'on s'était dit cette fois. T'es là pour moi, je suis là pour toi. Et ça s'arrêtera pas. Quand je doute, je peux me confier. Me reposer sur toi.